Chapitre 257. L'interdiction de colporter les propos des gens pour leur nuire ou les brouiller. An-Namima. Allah Ta'ala dit: Hammazim masha'in binamim. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Sourate 68, verset 11. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. 1536. D'après Hudhayfa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui colporte les propos des gens pour leur nuire ou les brouiller, an-nammam, n'entrera pas au paradis. » Al-Bukhari, dont c'est l'une des versions, est muslim. 1537. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa un jour devant deux tombes en disant « Ils subissent tous deux un châtiment pour des péchés insignifiants, mais ce sont en fait des péchés graves. L'un d'eux colportait les propos des gens pour leur nuire ou semer la discorde entre eux. Quant à l'autre, il ne se protégeait pas de son urine ou du regard des gens pendant qu'il urinait. » Al-Bukhari est muslim. Les savants ont dit que l'expression « ils subissent tous deux un châtiment pour des péchés insignifiants » signifie qu'ils étaient insignifiants à leurs yeux ou bien qu'ils auraient pu facilement les éviter. 1538. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Voulez-vous que je vous dise ce qu'est la calomnie? C'est le fait de colporter les propos des gens pour leur nuire ou les brouiller. » Muslim. 1539.